Je me dois de t'expliquer, tu as l'air mal en point. S'il faut te battre sans t'excuser, quitte à te faire mal au point. Rien ne sert de t'exhiber, même les blancs ont mal au teint. Donc je viens t'exposer tout l'étalage comme un Marocain. Questionner mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi toi ton estompé? Tous ces prêtres qui se laissent pomper. Laisse tomber dans nos cœurs, ce n'est pas le Minnesota. Les minots se tapent, se font la guerre pour des Minnesotas. Depuis l'époque du cartable, j'ai comme dans un cartel. Je veux que ma vie soit bonne autant que les flots de vibes cartel. La misère m'accable, donc je rêve que je m'égarde d'elle. J'suis dégoûté du petit bonheur, la chance car je n'ai pas de cartel. Repère bien les traits dans tes poteaux, des poteaux. Y'en a qui te souhaitent du bonheur, d'autres souhaitent de lever ta go. Ça me fout trop les boules. Tous les soirs pour oublier, je me tape des douilles. Je crois que j'ai la demi-molle car je suis en manque des moules. Non, je n'ai pas de bol et toujours pas de boulot. Non, non. Pour un bourreau, nique, je passe sous le bureau. MC, passe-moi le micro que je fasse quelques euros. Les temps sont durs, jette un œil sur tes voisins et constate que tu n'es pas le seul dans ce système malsain. Le monde tourne autour du fric et du sexe et des fois je suis du père. En tête à tête avec moi-même. Faut pas se laisser aller. Car le moindre faux pas, ton navire est fracturé, la facture est salée. La terre est salie, trop de salauds à sa tête. Trop de taxes dans l'assiette, trop de pauvres à la tête. Et si les jeunes galèrent pour du boulot, pendant que dans les loges des restos du cœur, ça boit champagne au goulot. Le culot de lui-même laisse sur le cul. Si tu m'entends, c'est qu'en quelque sorte t'as survécu. Je pèse mes mots, déverse mes pensées sans papier libre. J'ai des papiers, pourtant j'aimerais quitter ce pays. Mais pour aller où? Telle est la question, on est bloqué ici et on encaisse comme des cons. La terre est salie, trop de salauds à sa tête. Trop de taxes dans l'assiette, trop de pauvres à la tête. On court tous après le bonheur, mais on est loin d'être à la hauteur. J'ai mal au cœur, je le sens serré dans ma cage thoracique. L'avenir me fait peur, pour les petits ça sera la merde. Triste décor, ça sera partout la même. Ne fais confiance à personne, tu regretteras tôt ou tard. La vie et ses coups de pute sont là pour t'abattre. C'est quand tu te fais trahir qu'enfin tu réagis. Mais c'est trop tard l'ami, tout le monde te salit. Avant j'avais des frères, des vrais. En cas de galère on était tous soudés. Puis j'ai perdu mon mi-père et j'ai vu leur vrai visage. Je me suis retrouvé seul alors j'ai tourné la page. J'ai fait ma vie, les années sont passées. Chaque jour je déprime, dans ma tête c'est la merde refrain. Je regarde le ciel, je respire avec un poing au cœur. Comment être heureux quand ton père est dans les cieux? Je regarde le ciel, je respire avec un poing au cœur. Comment être heureux quand ton père est dans les cieux?